radiodiffusion française vous invite à écouter... Abdelkader et la France. Vous avez vu sans doute chez tous les marchands d'estampes une lithographie qui représente un mulâtre à face cruelle et au regard sanguinaire. Couvert de riches vêtements et de riches armes, vous avez lu en bas Abdelkader. Et dès lors, vous et moi, et toute la France, nous nous sommes fait une idée de ce chef arabe. Souvent, l'idée que la France est faite d'Abdelkader a varié. Quand, au printemps 1848, il est transféré d'un fort de Toulon au château de Pau, le journal de Toulouse, qu'on vient d'entendre. Sur son passage, observe donc un mulâtre à face cruelle. Quand, quelques mois plus tard, la Deuxième République l'installe à Amboise, l'accueil de la population est bien plus favorable encore quelques temps, et la France se targuera de lui offrir une hospitalité chaleureuse alors qu'elle le tient en captivité. Beaucoup d'officiers, ceux qui avaient lutté contre lui entre 1832 et 1847, les Africains, avaient manifesté de l'estime pour l'adversaire intelligent et énergique qu'il avait été. C'était d'ailleurs l'un de ses officiers, le duc d'Aumale, qui en 1847 lui avait promis un sauf-conduit pour gagner le Levant quand il lui avait confié son sort. Mais concernant les affaires d'Algérie, les journalistes et les parlementaires étaient divisés. Quand Abdelkader avait été sous les armes, il avait tiré parti des fractures de l'opinion française. Prisonnier, il en pâtit. Beaucoup de Français ont du mal à croire au serment qu'il a fait au duc d'Aumale de ne plus s'occuper de politique. La méfiance tombera peu à peu. Louis-Napoléon Bonaparte, devenu prince-président, le libère en 1852. Il lui aurait volontiers confié un rôle plus politique, mais Abdelkader, ainsi qu'il l'avait annoncé, était vraiment descendu du pouvoir. Il s'en était lavé à l'eau et au savon, il était passé de l'autre côté, celui de la prière et de l'enseignement spirituel. Retiré à Damas, où il vivra encore près de 30 ans, l'ex-émir s'attirera même en 1860 la reconnaissance de la France. Au beau milieu d'une émeute antichrétienne, il empêchera le massacre de milliers de personnes par sa présence et sa parole. Puissance de la croyance sans armes. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Avec Ahmed Bouyarden, bonjour. Bonjour. Troisième livre sur Abdelkader aux éditions Vendémiaire. Un livre sur la guerre entre les Français et Abdelkader, sur la captivité d'Abdelkader. Un livre extrêmement documenté que vous avez préparé par de longs travaux aux archives. Premier son, si vous le voulez bien, Ahmed Bouyarden, nous sommes en 1832. Les Français sont à Alger depuis 1830. Et ils sont à Oran depuis Janvier 1831. Et Abdelkader, c'est un jeune homme de 24 ans dont le père a un rôle majeur. Son père galvanise les siens et c'est lui qui va être élu à la tête du djihad. Salut. Puisse Dieu vous éclairer, vous guider, diriger vos assemblées, favoriser vos entreprises et vos actions. Les habitants des régions de Mascara, des deux Guéris, celui de l'Est et celui de l'Ouest, leurs voisins et alliés, les Beni Sokran, les Beni Abbas, les Borgia, les Yacoubia, les Beni Amer et les Beni Mehaer, et d'autres encore non dénommés sont unanimement convenus de me confier l'autorité suprême de notre pays. En s'engageant à me suivre dans la victoire comme dans la défaite, dans l'adversité comme dans la prospérité, et à consacrer leur personne, leurs fils et leurs biens à une cause qui est grande et juste. Alors les Français vont bientôt appeler Algérie leur zone, essentiellement littorale au départ. Et là, quand on entend cet appel que signe le jeune émir, on voit que c'est l'appartenance tribale qui prime. On a laissé volontairement la longue litanie des noms des tribus. Tout à fait. On est dans une société fondamentalement tribale où les relations entre les tribus sont souvent réglées par des sages, par des dignitaires. Et en l'occurrence, à cette époque-là, le père de l'émir Abdelkader, qui est un muqaddim, donc un représentant d'une tariqa soufie de l'Ouest, va être mis en avant pour essayer d'unir des fractions de tribus. Alors, au bout d'un moment, on va lui demander d'être à la tête de cette résistance armée, donc cette lutte pour préserver l'intégrité physique, donc territoriale et religieuse du pays, ce qu'on appelle le djihad. On va le demander à Mohyeddin, donc le père de l'émir, et l'émir va avancer son fils, proposer son fils à sa place, jugeant que lui avait la vigueur nécessaire pour le faire. Alors, vous décrivez la manière dont il essaye d'organiser un état super tribal, avec des capitales changeantes, un nomadisme imposé. Bon, Smala, allez, dites-nous ce que c'est qu'une Smala, c'est quoi, des cercles concentriques de tentes autour du chef? En fait, l'expression est très simple. En arabe, pour dire la maison, on dit le bayt, mais il y a un autre terme qui est utilisé, c'est dar. Et dar, qui veut dire maison, donne aussi daïra et douar, et qui veut dire le cercle ou la commune, et qui veut dire la maison. Et curieusement, dar veut dire circulaire. Donc la maison, elle est circulaire dans le terme, et la zmala va avoir une forme aussi circulaire. Et en fait, la zmala, c'est ce qui va se mettre en place après l'intervention et la mise en place de la politique de la terre brûlée à partir de 41. C'est-à-dire que l'émir va vite comprendre que tous ces bastions construits vont devenir des points de rayonnement de l'armée française. Donc il va décider de rassembler tous ses partisans dans un ensemble de camps, de toiles. Donc une capitale de toiles, en l'occurrence, qu'on va appeler par la suite la Zmala de l'émir Abdelkader. Dites-moi, vous parlez de politique de terre brûlée. Ça a été quand même assez terrible, la conquête de l'Algérie, à certains moments, par les officiers d'Afrique. Vous faites d'ailleurs le rapport entre Soult et Bugeaud, qui ont commandé à Paris et à Alger, et la guerre d'Espagne de Napoléon, qu'ils ont pratiquée, qui était horrible, et le populicide en Vendée. Oui, c'est pas moi qui le fais, ce sont les textes de l'époque, c'est aussi l'expérience des officiers qui sont en place en Algérie à cette époque-là, enfin dans ce qu'on appellera plus tard l'Algérie, on va l'appeler pour simplifier l'Algérie à ce moment-là, mais il faut rappeler que Bugeaud a fait la guerre d'Espagne, qui a laissé des traces extrêmement vives dans l'horreur, dans la cruauté de la guerre, notamment de cette guerre contre la guérilla, ce qu'on appelait la guérilla, et Bugeaud n'aurait pas pu être possible, cette politique de la terre brûlée n'aurait pas été possible sans Bugeaud, et Bugeaud n'aurait pas été mis en place sans Soult, et Soult est aussi un officier de la Grande Armée. Donc tout s'explique. Et, en amont, il y avait l'exemple de la Vendée. Il y avait l'exemple aussi de la Vendée, et Abdelkader a même été comparé à un chef vendéen. C'est aussi l'image qu'on donne de lui, et la guerre qu'on va faire aux populations va être un peu dans la mémoire rapprochée avec celle des Vendéens. Oui, mais il faut quand même qu'on insiste sur les divisions dans l'opinion à Paris sur la guerre en Algérie, parce qu'il y a des tribus en France, des tribus politiques. Il y a des journaux qui sont relativement libres, il y a un parlement où on débat, d'où on envoie des commissions d'enquête en Algérie. Il est malin quand même, Abdelkader, c'est une des originalités de votre livre d'insister là-dessus, parce qu'il joue de ces divisions. Il joue de ses divisions parce qu'il est au courant de l'opinion publique et l'opinion politique à Paris. Parce qu'il se fait traduire les journaux intelligemment. C'est un peu, il a les oreilles de Paris, si je puis dire, auprès de lui. Là, notamment, on pourrait citer ce fameux Léon Roche, qui est un peu son interprète pendant la période de la Tafna, donc entre 37 et 39, et qui lui traduit, qui lui explique ce qui se passe à Paris et comment on pense l'Algérie. Parce qu'il ne faut pas oublier que Louis-Philippe, lorsqu'il reçoit en héritage de Charles X l'Algérie, pour lui, c'est un fardeau. Il ne sait pas quoi en faire. Mais le fait de rapatrier les hommes, c'était impossible vis-à-vis des Anglais, notamment, et puis ça avait déjà coûté trop d'argent. Mais que faire? Et la question va rester en suspens longtemps. Et Abdelkader sait que la France hésite à rester. Donc il va lui donner des prétextes pour partir. Il cherche à jouer le temps. Parce qu'au maximum, il a quoi, 10 000, un peu plus de 10 000 hommes. Au minimum, quand la Smala va être démantelée en 1843, qu'elle deviendra une Deira, j'apprends les mots, hein, plus petite, il finira avec 2 000 hommes. Oui, c'est à peu près ça. Et puis surtout, il faut savoir que l'émir part au départ d'une armée informelle. C'est-à-dire qu'il va tout mettre en place. Cet embryon d'État, c'est aussi organiser une armée, entraînement, avec une hiérarchie, une solde, etc. Ce qui n'existait pas avant. Donc c'est en ça qu'il est génial. Et tout ça dans un milieu tribal. Mais pour répondre à votre question, il est difficile de dénombrer les effectifs de l'émir, parce qu'il y avait aussi beaucoup de tribus qui envoyaient des hommes de ses hommes, de ses cavaliers pour des opérations ponctuelles. Mais de manière générale, oui, il avait au départ plusieurs milliers, dizaines, enfin 10, 15 000 cavaliers à sa disposition et sur la fin très très peu, surtout face à une armée d'Afrique qui se monte à partir de 1846 à 110 000 hommes. Alors dans les derniers temps, à partir de 1843, la prise de la Smala par le duc d'Aumale, déjà son adversaire le duc d'Aumale, il est obligé de se replier au Maroc. Une autre des originalités de votre livre, ne le disons pas trop fort, on est en France, on pourrait peut-être pas dire la même chose de l'autre côté de la Méditerranée, c'est qu'il insiste sur le jeu complexe du sultan du Maroc, qui ne se révèle pas être l'ami permanent, fidèle d'Abdelkader, comme ça se dit dans les propagandes nationalistes. Oui, les propagandes, et puis surtout, le temps fait l'homme et fait les relations. C'est-à-dire que si vous prenez un instantané, on va dire, les relations de l'émir en 1832 avec le sultan du Maroc, elles sont excellentes. Mais vous les reprenez en 44, elles commencent à devenir mauvaises, et un an après, elles sont médiocres, voire dangereuses. Donc, bah il faut dire qu'il s'est replié dans un massif de Loudja, après dans le Rif, et puis que les Français lui courent derrière, et que les Anglais font pression, et que le malheureux sultan du Maroc, il est embarrassé par Abdelkader. Non seulement il est embarrassé pour lui-même, mais pour tout son pouvoir, puisqu'il y a le risque de menacer l'unité du royaume chérifien. Et aussi, en plus, Abdelkader s'installe dans l'est du Maroc, donc dans les provinces de l'est, qui sont considérées comme rebelles, traditionnellement rebelles. Et il y a une crainte de voir se créer un royaume à la tête duquel pourrait se mettre Abdelkader, donc à l'est du Maroc. Une crainte, évidemment, qui est une rumeur infondée, mais en tout cas une rumeur persistante. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Abdelkader est un noble religieux, un chérif, comme on dit, de la même manière que le roi du Maroc. Et qu'il y a aussi un risque de rivalité légitimaire. Quand il se retrouve pris dans un étau en 1847, Abdelkader va finir par se livrer son sort aux Français. Ne le dites pas trop fort, mais il ne l'a pas fait entre les mains du sultan du Maroc. Oui, mais ça c'est une question, enfin en tout cas au cours de mes recherches, que je découvre au fur et à mesure. C'est-à-dire que si je voulais résumer, il aurait pu à un moment donné, puisqu'il s'est retrouvé à être confronté à l'armée d'Afrique d'un côté, donc de l'autre côté de la frontière, donc en Algérie et à l'ouest, donc l'armée marocaine, et entre dans cet étau-là, il a dû faire un choix avec qui négocier un dépôt d'armes pour pouvoir négocier un sauf-conduit, se rendre dans l'Orient. Eh ben avec le fils du sultan, enfin je veux dire le fils du sultan de France, avec le duc d'Aumale qui venait de revenir en Algérie comme gouverneur général. Nous sommes encerclés. Arab, sauve-toi. Nous mourrons pour protéger ta fuite. Va dans le désert. Trop tard. Ils détruiront nos maisons, violeront nos femmes, tueront nos enfants et le reste des troupes. Je dois me rendre. Vous êtes témoin devant Dieu que j'ai fait mon possible. Va dire au fils du roi que je me rends. À une seule condition. Qu'il m'emmène avec ma famille en terre musulmane. Accepte ce cheval de la soumission. C'est le dernier que j'ai monté. Désormais, j'irai à pied. Je l'accepte comme un hommage rendu à la France, dont la protection te couvrira à jamais. Et comme un signe de l'oubli du passé. Extrait de la série sur Abdelkader de François Luciani. C'est au duc d'Aumale qu'il fait, alors quel terme utiliser, Ahmed Bouyarden, sa reddition. Vous insistez sur le double sens ou les sens riches du mot Aman. Tout à fait. Je pense que jusqu'à présent, j'espère que ce livre convaincra beaucoup d'historiens, on a utilisé par facilité le terme de reddition. Alors que si on regarde de plus près, vous savez que reddition, c'est un synonyme de capitulation et de soumission. Alors le mot soumission revient sur toutes les lèvres de la propagande française de l'époque. Et évidemment, Abdelkader ne fait pas reddition. Il ne se rend pas. Il ne rend pas les armes, mais il dépose les armes volontairement, alors qu'il pouvait encore fuir par le Sahara à un moment donné. Et donc, il va négocier un traité d'Amman, Amman signifiant dans ce sens-là un sauf-conduit pour se rendre à la Mecque. Mais il n'a été poussé à cette extrémité, il faut quand même le rappeler, que par cette politique de la terre brûlée, la peur aussi que son peuple soit exterminé, puisque il faut quand même rappeler que cette politique de la terre brûlée a provoqué un scandale en France, notamment par les fameuses enfumades. Il faut quand même rappeler que les enfumades des grottes. Des grottes, on sait qu'il y en a eu au moins trois, dont celle du colonel Pélissier. Et rappelez que Pélissier de Reynaud, par exemple, en parlant de ces enfumades, parle d'un holocauste de toute une tribu. C'est toute une tribu qui se réfugie dans une grotte et on enfume donc les entrées et on tue plus entre 700 et 1000 personnes. Donc cette peur, cette crainte pour l'intégrité physique, le fait qu'il voit que la France, à partir du milieu des années 40, ne veut pas quitter ce pays, ça veut dire qu'elle vient renforcer sa présence militaire. Et il sait aussi qu'à l'opinion parisienne est pour garder l'Algérie comme une extension de la France, faire de l'Algérie une extension de la France. Qu'est-ce qui va se passer à partir de décembre 47 entre Abdelkader et la France? Rapport compliqué, un petit moment de propagande française, si ça ne vous irrite pas trop, Ahmed Bouyarden. Nous sommes beaucoup plus tard, c'est la chanson proposée par Martin Penney. En 1930, c'est le centenaire de la conquête de l'Algérie et Lucien Boyer a accepté une commande qui était passée par le gouvernement et qui raconte ce que le président de la République de l'époque en visite en Algérie pouvait bien dire et chanter. Le vin d'Algérie est un si doux nectar qu'on s'en sert blague à part pour rajeunir le vieux pomard. Quant à son cheptel, il est de plus en plus beau. Les vaches ont des veaux et les juments ont des jumeaux. À la Gaspa, messieurs, c'est la pure vérité. Via l'électricité, la TSF, la CGT. Pour traverser le désert, mon ami, maintenant on se sert des chenilles et des autos. Citroën remplace les chameaux. Non, j't'ai plus des merveilles sans pareil. Non, j't'ai plus percepteur, là vous tombez dessus. Ah, si le brave Abdelkader revenait en Algérie, il serait heureux, Abdelkader, de voir comme elle est jolie. Il y a du pinard, du chemin de fer, du chameau, de l'industrie. Aussi je suis fier de lever mon verre à la santé d'Abdelkader. La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun. À Cachon, au-dessus de la plaine d'Égris, on vient d'inaugurer le monument élevé à la mémoire de l'émir Abdelkader. L'émir Sehel, petit-fils d'Abdelkader, et M. d'Arthès, petit-neveu du maréchal Bugeaud, tous deux présents à la cérémonie, illustraient magnifiquement le vœu de celui qui, après avoir loyalement combattu la France, voulait devenir son meilleur ami pour la prospérité commune de la métropole et de l'Algérie. Ça y est, le moment est achevé. On en vient à la deuxième partie de votre livre sur Abdelkader et la France, Ahmed Bouyarden, où vous documentez de très près le rapport entre l'émir qui ne l'est plus et le pays qui le reçoit en décembre 47, janvier 1848. Parce que pour qu'on en arrive à la concorde et à la prospérité commune supposée qu'on vient d'entendre chanter, il y a eu des moments de tribulation très très longs. Il arrive en janvier 48, il arrive à Toulon et lui il attend d'avoir ce sauf-conduit pour Alexandrie et rejoindre la Mecque ensuite. Et on le met dans un fort. Et un fort militaire. Et qui a toutes les apparences d'une prison, mais d'abord, avant ça, il était mis au lazaret, donc dans ces zones de quarantaine, pendant 2-3 jours, donc sur une petite île en face de Toulon, qui lui laissait espérer qu'il ne mettrait pas pied sur la terre de France, mais que c'était juste pour ensuite partir. C'est ce qu'on lui a dit sur le bateau, parce qu'on lui a rien dit, évidemment, qu'une fois qu'il était sur le bateau, on lui a dit que voilà, on est obligé de faire un passage par Toulon, et donc la parole qu'on lui avait donnée, c'est-à-dire d'être mené directement ou à Alexandrie ou à Saint-Jean-d'Acre, pour ensuite rejoindre la Mecque, a été trahie à ce moment-là. Et donc, pendant des mois et des mois anxieuses, période d'attente anxieuse, Abdelkader va demander à quel moment il va pouvoir espérer rentrer. Finalement, cette captivité durera 5 années. Mais je reviens sur la question du serment et du parjure. Je crois que vous avez prononcé le mot, parce que lui, il s'était engagé auprès des gens qui le suivaient. Ils étaient une centaine, sa famille, sa mère, ses femmes, les enfants, les petits-enfants, les lieutenants. Et il ressent très mal le fait que le serment ne soit pas respecté. Le duc d'Aumale, Louis-Philippe est encore au pouvoir, son père, Louis-Philippe, son partisan de respecter le serment, mais il y a des opposants. Oui, bon, il faut dire que ce serment a été donné. On a une preuve écrite pour Abdelkader. Il y a parjure, clairement, une trahison claire. Et tous ceux qui ont décidé de le suivre dans l'exil, c'était avec l'idée de finir leur vie dans ce que la géographie, les géographes arabes appellent le nombril du monde, c'est-à-dire la Mecque. Et là, il se retrouve dans le pays de l'étranger. Donc vous imaginez l'angoisse pour toute cette suite, hein, dont sa mère, comme vous l'avez dit, sa famille, ses lieutenants, etc., etc. Et il se retrouve donc à Toulon, et avec en plus ce poids de la parole trahie pour l'homme. Et en plus de ça, c'est qu'on lui fait croire qu'il va être libéré, et en même temps il entend des rumeurs comme quoi vous ne serez jamais libéré. Donc il y a une véritable angoisse chez lui, et dire quand même les raisons pour lesquelles cette parole n'est pas respectée sont multiples. Il y a effectivement le fait que quasiment toute la hiérarchie militaire ne veut pas libérer Abdelkader, parce qu'elle n'a, pendant 15 années, elle n'a pas réussi à lui mettre la main dessus. On a considéré qu'il était insaisissable. On a même parlé, un général a parlé de don d'ubiquité pour Abdelkader. On a même beaucoup dans les archives des écrits, des lettres, des propositions de mercenaires qui proposent, qui se disent avoir un plan génial pour attraper Abdelkader. Un fou à Bicêtre dont la lubie est de dire qu'il sait comment prendre Abdelkader. Donc les militaires ont été marqués par l'insaisissabilité de l'émir. Et surtout, comme le dira la Mauricière lui-même, qui l'a combattu, disait, il a un magnétisme particulier sur les populations. Mais il n'y a pas que le ministère de la guerre. Il y a au Parlement, dans la presse, des gens qui ne peuvent croire à la promesse d'Abdelkader d'abandonner la politique, qui craignent son évasion, qui sont les représentants de ces milieux. Malheureusement, que ce soit à droite ou à gauche, donc au Parlement, enfin à l'Assemblée, parce qu'elle va changer plusieurs fois de nom au cours de cette période, puisque, comme vous le savez, Abdelkader arrive sous la monarchie de Juillet, ensuite, il arrive en janvier, puis fin février, c'est la révolution. Tout à fait. Et en fait, le dépôt des armes d'Abdelkader, comme le dit un chroniqueur de l'époque, a porté malheur à la monarchie, comme Charles X avait, après avoir conquis l'Algérie, deux mois après, avait fait abdication, avait abdiqué. J'entends bien votre interprétation religieuse de l'histoire, mais si je reviens à l'interprétation politique, la Seconde République, enfin en tout cas ses parlementaires ou ses milieux dominants, ne sont pas plus favorables, et le ministère de la guerre reste défavorable. Parce qu'ils sont comptables. Ils sont comptables d'une armée qui coûte très cher. Et dès lors qu'Abdelkader était en France, c'était 10 000 hommes en moins, donc du budget libéré pour l'investir ailleurs. Et évidemment, parce que 100 000 hommes, 110 000 hommes, je vous laisse imaginer ce que ça représente en termes d'argent, et surtout de risques pour la France, puisque vous savez que quand il y a eu l'abdication, le duc d'Aumale était toujours gouverneur général d'Algérie avec 110 000 hommes. Et la question s'est posée, est-ce qu'il allait se retourner contre la République ou bien laisser... voilà. Donc l'Algérie coûte cher, et Abdelkader, évidemment, a coûté très cher pendant ces 15 années de lutte. Mais moi, je vois qu'il y a une constance de l'opposition dans certains milieux parlementaires, et une constance de la sympathie chez des princes de dynasties diverses. Le duc d'Aumale, on a cité maintes fois, et puis Louis-Napoléon Bonaparte, qui devient le premier président de la République en décembre 1848, et qui devient ensuite prince-président après son coup d'État, et qui spontanément a quoi ? De la sympathie, ainsi que les gens qu'il soutiennent pour Abdelkader ? Alors sur ce sujet-là, en deux heures, je pourrais les remplir, mais en tout cas, la question est intéressante. Pourquoi ? Parce qu'il faut d'abord rappeler que Louis-Napoléon Bonaparte est un anglophile, et qu'il a passé une partie de sa vie en Angleterre, et les Anglais ont plutôt bonne opinion d'Abdelkader, qui est d'abord l'ennemi de leur ennemi, donc l'ennemi de la France, et qu'il a été pétri par cette admiration pour l'émir. Mais la deuxième raison, c'est aussi une solidarité psychologique, parce que il faut pas oublier que Louis-Napoléon Bonaparte a été à la fois un proscrit, un exilé, un prisonnier, et qu'en quelque sorte, il s'est vu un peu dans Abdelkader. On peut aussi dire que si les milieux bonapartistes à l'époque sont favorables à Abdelkader, c'est précisément parce qu'ils ont vu dans Abdelkader le sort réservé à Napoléon Ier. Après le coup d'État, devenu prince-président, il a à peu près tous les pouvoirs, Louis-Napoléon Bonaparte, il va faire libérer. Il va libérer lui-même en se rendant à Amboise, où était Abdelkader à l'époque, l'émir qui va commencer à faire du tourisme à partir de ce moment-là. Dans ses mémoires, le vicomte d'Arlincourt rapporte une des visites d'Abdelkader au château de Chaumont-sur-Loire. C'était au mois d'août 1851, il y avait peu de monde à Chaumont et je venais d'y arriver. J'appris qu'on y attendait l'émir et que pour ne pas trop exposer l'illustre captif au regard indiscret d'une foule de curieux, on avait caché soigneusement au pays le jour et l'heure de sa visite. Cependant, malgré les précautions prises, un monde énorme était sur pied le long de la route, au moment où y passait le sultan du désert. Un piquet de gardes à cheval galopait autour de sa calèche, un officier français était assis près de lui, et plusieurs bédouins le suivaient. Le livre d'or du château de Chenonceau porte témoignage de ces lignes que l'émir Abdelkader a bien voulu consacrer à cet endroit merveilleux. Louange au Dieu unique. J'ai vu le monde réuni dans ce château. Il est comme un morceau de jardin éternel. Le salut à tous ceux qui prendront connaissance de mon écrit. Et moi, je suis Abdelkader ben Mouhyeddine. Abdelkader ben Mouhyeddine. Bon, alors, Napoléon III a lavé l'honneur de la France, Abdelkader fait du tourisme dans les châteaux de la Loire, ensuite est reçu somptueusement à Paris, ensuite il va où bon lui semble, ce sera à partir de 1855 à Damas, mais enfin, il faut pas l'imaginer, c'est la dernière originalité de votre livre, comme un jouisseur, c'est un homme de résignation, d'étude, de méditation, le politique, dites-vous, est devenu mystique, il s'est lavé au savon et à l'eau du pouvoir. Une forme d'ablution, une forme de mort au monde, c'est ce qu'il dit. Il répétera, c'est même un leitmotiv pendant sa captivité, je suis mort au monde, je suis mort à la politique. Et d'ailleurs, on ne le comprend pas trop, qu'est-ce qu'il veut dire par là, mais Abdelkader, clairement, on peut dire que la captivité a été pour lui une sorte de retraite. Parce qu'il faut, bon, on l'a pas dit au début, mais Abdelkader est un soufi, a une éducation soufie, donc il a une lecture du monde de l'ordre du spirituel, c'est-à-dire qu'il y a une providence, il y a un destin, il y a une puissance supérieure, et sa lecture des événements, elle se fait à travers ce prisme-là. Et pour lui, cette captivité a été une épreuve douloureuse, donc une retraite douloureuse, qui l'a amené à se dépouiller de tous les instincts de pouvoir qu'il a pu accumuler pendant des années. Et lorsqu'il l'est libéré, en quelque sorte, c'est aussi une libération spirituelle, si je puis dire, puisque tout le reste de sa vie, la deuxième partie de sa vie, va être consacrée pleinement à la praxis spirituelle. C'est-à-dire que tous les jours, il va donner à Damas 2 heures d'enseignement spirituel après avoir prié en public, écrit de la poésie et lu. Tout à fait. Donc ça, il le fait dans la grande mosquée des Omeyyades, à Damas notamment. Mais il faut aussi rappeler que pendant 2 ans, il était en exil d'abord en Turquie. Et pour cause, c'est qu'on a préféré le mettre dans un milieu turcophone plutôt qu'arabophone, parce qu'il y a toujours ce magnétisme d'Abdelkader. Donc il va être en face, j'allais dire, du théâtre d'opérations, des opérations de la Crimée, puisqu'entre 53 et 55, il est dans le nord de l'Anatolie, et il le voit en face de lui, cette coalition de la puissance anglicane, l'Angleterre, la puissance catholique française, et avec une puissance musulmane face à la puissance orthodoxe. Et durant cette période, ça lui a inspiré un écrit qui s'appelle La lettre aux Français, qu'on va traduire comme étant La lettre aux Français à partir de 58 par Dugas, 1858, et dans laquelle, notamment au cœur de ce livre, il dit, si les Français, si les chrétiens et les musulmans avaient voulu me prêter attention, j'aurais fait des frères à l'intérieur et à l'extérieur. Et il ajoute à cela, mais ils n'ont pas voulu avoir une vision commune ou un projet commun. Et là, il annonce avec des termes eschatologiques assez violents, qui laissent à penser que c'était un visionnaire, c'était quelqu'un qui arrivait à voir très loin. Il ne va pas être écouté et tout le restant de sa vie va être celui de l'homme lien. J'allais dire du pontife, de celui qui crée des ponts, des liens entre l'Orient et l'Occident, mais aussi entre les différentes communautés. Et c'est là qu'il se distingue particulièrement en 1860, notamment dans le sauvetage des chrétiens de Damas. Ils sont pris dans une émeute, mais lui ne prend pas les armes. Non. Pour les protéger. Non. C'est sans armes qu'il les protège. Exactement. Mais tout ça pourquoi ? Par respect de la parole qu'il avait donnée. Enfin, je dis ça parce que on retrouve en 1860, donc on retrouve notamment dans l'illustration, le journal illustré français, on retrouve une gravure dans laquelle on voit Abdelkader en armes et défendant les chrétiens de Damas. Et en fait, c'est une image qui date des années 40. Et donc, un témoignage de son fils dit qu'il était sans armes. Et même un autre témoignage d'un journaliste, enfin d'un publiciste témoin des événements, dit qu'il était sans armes, mais toujours par respect du pouvoir. Et puis surtout, il croyait dans la capacité de débattre plutôt que de se battre. Et vraiment, il est arrivé au point où pour lui, par la parole, on était capable d'éviter des guerres. Et c'est pour ça qu'il a beaucoup parlé, beaucoup échangé, beaucoup essayé de créer des liens, de tisser des réseaux, notamment dans la deuxième partie de sa vie. Évidemment, on pourrait aussi rappeler qu'il est un des premiers éditeurs commentateurs du grand mystique andalou Ibn Arabi, et que c'était aussi un grand extatique, et qu'il a notamment créé, dont témoigne son fameux livre des Haltes, Kitab al-Mawaqif, qui donne une lecture du Coran, qui montre que c'était vraiment un livre qui ne s'énigme pas à la lettre, mais à l'esprit. C'est en 1883 qu'il a été inhumé au pied du monument d'Ibn Arabi que vous citiez. Il a été rapatrié en 1966 en Algérie, après l'indépendance. Vous nous avez donné, Ahmed Bouyarden, le goût de votre livre qui paraît aux éditions Vendémiaire, Abdelkader et la France.